les bandits, mais je ne finirai pas dans son lit. Mon chéri, tu m'envies, mais je ne finirai pas dans son lit. S'il faut, je vais me répéter. Oh na na na, oh, pas.